on va pas se laisser abattre. Pour Allah on veut mourir, on va rester pour combattre, partir avec le sourire. On va pas se laisser abattre, pour Allah on veut mourir, on va rester pour combattre, partir avec le sourire. On va rester pour combattre, partir avec le sourire. Oui, Charlie Hebdo est mort, des prophètes ils se moquaient. Certes, on tuera sans remords ceux qui viennent nous provoquer. Pourquoi nous avoir cherché? Vous semez, vous récoltez. Ceux qui ont les armes chargées, c'est l'heure de se révolter. C'est l'heure de se révolter. On va pas se laisser abattre, pour Allah on veut mourir, on va rester pour combattre, partir avec le sourire. On va pas se laisser abattre, pour Allah on veut mourir, on va rester pour combattre, partir avec le sourire. On va rester pour combattre, partir avec le sourire. Il nous faut taper la France, il est temps de l'humilier. On veut voir de la souffrance et des morts par milliers. La bataille est engagée, la vengeance sera terrible. Nos soldats sont enragés, votre fin sera horrible. Votre fin sera horrible. On va pas se laisser abattre, pour Allah on veut mourir. On va rester pour combattre, partir avec le sourire. On va pas se laisser abattre, pour Allah on veut mourir. On va rester pour combattre, partir avec le sourire. On va rester pour combattre, partir avec le sourire. L'islam va s'imposer, se répandre par l'épée. Ceux qui veulent s'opposer ne connaîtront plus la paix. On est venu dominer et nos ennemis vont périr. On va les éliminer et laisser leur corps pourrir. Et laisser leur corps pourrir. On va pas se laisser abattre, pour Allah on veut mourir. On va rester pour combattre, partir avec le sourire. On va pas se laisser abattre, pour Allah on veut mourir. On va rester pour combattre, partir avec le sourire. On va rester pour combattre, partir avec le sourire. Il y a plein de frères et de sœurs sur lesquels je devais, m'investir plus ou les voir plus ou les soutenir, tout ça. Et j'ai pas pu, mais c'était à cause de ça. Donc je leur demande de m'excuser. Ma famille, j'espère qu'ils vont comprendre, Inch'Allah. Et Inch'Allah, frère, c'est du bien, Inch'Allah. Pareil, donc Allah, ça va. Et patientez, Inch'Allah. On va rester pour combattre, partir avec le sourire.